Nous avons appris le mot pour dire voir ou rencontrer quelqu'un, qui se dit 见. Maintenant, nous allons apprendre qu'il existe un autre mot pour exprimer le fait de rencontrer quelqu'un. C'est connaître quelqu'un. Et ce mot se dit 认识. 认. Doigt noir pointé vers le sol. 认识. Le point fermé pour ch. 认识. Le gen est-il le même? Étant donné que ch veut dire être, c'est comme si on disait être en train de rencontrer quelqu'un, je suppose. Ren n'a pas le même ton que le ren de personne. Le ton se dit avec un doigt noir pointé vers le sol, ren. Bien et le ch se dit juste avec le point fermé, au ton neutre, ren ch. Et les caractères? Les caractères sont aussi différents. Alors, comment dites-vous connaître quelqu'un? 认识. 认识. 认识. Le premier est correct. 认识. 认识. Hein, pensez à « Je suis très heureux de connaître les jeunes chevaux que tu viens d'acheter. » Et toi, tu connais du « 认识 », ces jeunes chevaux. Et maintenant, comment dites-vous « qui est-il » ? Ta, shi, shi. Qui est-il ? Ta, shi, shi. Je voudrais le rencontrer. Wo, yao, zhen, shi, ta. Je voudrais, j'ai envie de. Oh, j'ai envie de. Pardon. 我想认识他. Comment dites-vous connaître quelqu'un ou faire connaissance avec quelqu'un? 认识. Oui, rappelez-vous, je suis très heureux de connaître les jeunes chevaux que tu viens d'acheter. Donc, je voudrais le rencontrer dans le sens de faire connaissance avec lui. 我想认识他. Veux-tu rencontrer mon ami? 你要认识我的朋友吗? Veux-tu rencontrer mon ami? 你要认识我的朋友吗? Mon ami voudrait te rencontrer, mais il ne peut pas te voir maintenant. Alors voir, comme dans voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Mon ami voudrait te rencontrer, mon ami a envie de. 我的想. Mon ami. Ah. 我的朋友想. Te rencontrer, rencontrer toi ou tu. 认识你. Mais. 可是. Il ne peut pas te voir maintenant. Littéralement, il maintenant ne pas pouvoir voir toi. 他现在. Ne pas pouvoir. 不能. Te voir ou voir toi. Tien ni. Toi ou tu. Ni. Comment dites-vous voir, voir quelqu'un? Tien. C'est tien. Tien. Tien. Imaginez-vous qu'on vous pose la question: quel est le nom de ce gars que tu as vu hier? Et on répond, son nom est Étienne. Donc, comment dites-vous cela avec un doigt noir pointé vers le sol? Chen. Comment dites-vous le nom de ce gars-là? Étienne. Alors, on reprend. Mon ami voudrait te rencontrer, mais il ne peut pas te voir maintenant. 我的朋友想认识你，可是他现在不能见你。